qui va, pour atteindre ses objectifs, devoir réduire drastiquement ses émissions de gaz à effet de serre. Et donc là, on pourrait aussi, au niveau de l'utilité publique, s'interroger. Alors voilà les réflexions que j'ai pu avoir et partager avec vous sur ce test climat. Et puis ben, je vous remercie très sincèrement de votre attention. Merci. Merci. On voit bien qu'il s'agit d'un processus, vous l'avez très bien montré. Et en même temps, je crois que ce qui est intéressant aussi, c'est que ça permet de mettre en évidence la superposition de modèles, en fait. Il y a le vieux modèle économique avec le dogme de la croissance et du profit. Et puis il y a un autre modèle qui se profile et qui est en quelque sorte rendu visible, plus visible peut-être par le test climatique, qui est le modèle écologique de l'équilibre et pas forcément de la croissance, avec un autre dogme qui serait la protection de l'écosystème. Et là, je pense qu'effectivement, vous avez raison de poser la question, est-ce que c'est transposable ? Est-ce que c'est transposable à l'échelle d'autres pays ? Est-ce que c'est transposable au niveau mondial ? Pourquoi pas ? Mais en tout cas, c'est un instrument pour mettre en route un processus transformateur, je dirais. Et de ce point de vue-là, c'est particulièrement intéressant. Alors, il faut dire que le point de départ au Canada est intéressant aussi, compte tenu de la contradiction que vous évoquiez. Vous êtes à la fois le modèle et en même temps le contre-modèle. Ça, c'est tout à fait impressionnant. Alors, maintenant, je vais donner la parole à Adélie Pomade, qui est professeure invitée à l'université de Rio Grande do Sul, au Brésil, pardon pour l'accent, et qui est docteur de droit privé et HDR, et chercheur associé. Alors, dites-nous les sigles, parce que moi je m'y perds un peu. IOD À Lyon, de l'Université Rennes, Lyon de l'Université Rennes 1, et à l'Université Saint-Louis, en Belgique. Voilà, ben, ça fait beaucoup de titres pour nous présenter le terme d'ajustement des conduites. Alors là encore, peut-être un nouvel outil, peut-être un outil réinventé, vous allez nous le dire. Merci Madame la Présidente, et merci aussi aux organisatrices du colloque pour ce beau colloque auquel nous assistons aujourd'hui. Alors, le changement climatique et l'érosion de la biodiversité, on s'en rend compte, soumettent le droit à des besoins de flexibilité et d'adaptabilité qui entrent de prime abord en contradiction avec l'impératif de sécurité juridique qui caractérise le sérieux de l'espace normatif juridique. Et la nécessité de souplesse du droit a déjà été pensée au travers des conceptions que nous connaissons de droit souple, mou ou doux. Flou, doux et mou. Cependant, il semble qu'une nouvelle forme de souplesse soit devenue peut-être nécessaire. Alors, il ne s'agit plus alors d'appliquer le souple à la nature de la norme, par exemple, donc une directive ou une recommandation, ni à sa teneur, non obligatoire ou non contraignante, mais davantage à la régulation mise en place par la norme elle-même. En fait, l'important, c'est moins le contenu de la serait moins le contenu de la norme que l'objectif qu'elle souhaite atteindre. Alors, certains pays ont déjà adopté cette nouvelle manière de penser le droit pour répondre à des crises environnementales si profondes que ni la norme recommandatoire ni la norme obligatoire ne semblent suffire. C'est justement le terme d'ajustement des conduites, qu'on appelle aussi TAC, qui est développé au Brésil et qui donc serait l'un de ces instruments. Il est considéré par la doctrine et les tribunaux brésiliens eux-mêmes comme un outil de perfectionnement de la société et comme un outil présentant les caractéristiques d'un instrument idoine en matière de règlement alternatif des conflits. Alors avant d'envisager bien sûr l'hypothèse d'une transposition ou d'une adaptation en droit français de cet instrument, je commencerai par vous présenter son originalité pour apprécier sa capacité à être un instrument de dialogue et de justice. Alors on va voir que selon le droit positif et les diverses interprétations doctrinales, le TAC peut être considéré comme un instrument de recherche de dialogue. Et ensuite, en portant un regard sur la pratique de l'instrument, on va se rendre compte que tout en présentant des limites, bien évidemment, le TAC présente en effet une capacité à établir le dialogue et à rétablir une justice environnementale parfois altérée. Alors, c'est en 1985 que la loi d'action civile publique a introduit le TAC en droit. Il fut alors conçu comme une forme extrajudiciaire de résolution des conflits qui avait pour objet la mise en adéquation de l'acte d'un transgresseur ou d'un contrevenant potentiel d'un droit transindividuel avec les exigences légales. Il a fallu cependant attendre la loi des crimes environnementaux de 1998 pour que soit introduit le TAC directement dans le champ environnemental au titre d'une mesure provisoire ayant force de loi. Alors, de manière globale, comment définir le TAC ? J'ai dit de manière globale, vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Le TAC, en droit brésilien, et notamment dans le champ environnemental, c'est un accord juridique, préventif ou punitif, qui permet l'adaptation du comportement d'une personne physique ou morale qui a commis, commet ou menace de commettre un dommage touchant au droit collectif. Donc l'objectif, c'est de trouver une solution extrajudiciaire issue d'un compromis entre celui qui commet, menace de commettre ou a commis un dommage et les tiers qui dénoncent justement le risque ou la réalisation du dommage. Alors par l'accord, la personne physique ou morale va reconnaître l'atteinte à un intérêt collectif et donc s'engager à éliminer l'irrégularité. Selon la loi de 98, parce que c'est quand même le repère principal, qui peut demander la conclusion d'un TAC ? On a globalement les organes environnementaux, les autorités publiques, les entreprises publiques et certaines associations. Qui peut être débiteur d'un TAC, c'est-à-dire celui considéré comme transgresseur ? Des personnes physiques ou juridiques responsables de la construction, de l'installation, du développement ou du fonctionnement d'établissements pollueurs ou potentiellement pollueurs. Quels sont les critères à prendre en compte pour apprécier la nécessité de conclure un TAC ? Alors, plusieurs critères. La gravité du fait et ses conséquences pour la santé publique et l'environnement. Les antécédents du transgresseur en matière d'infraction à la législation environnementale et l'urgence de la situation. Alors, l'originalité du TAC, bien sûr, vous l'aurez compris, a conduit les auteurs à concevoir l'instrument de manière différente, voire même contradictoire. On s'en rend compte au regard du tableau. Trois courants, finalement, qui se distinguent avec, à chaque fois, au sein de chaque courant, des nuances. Pour certains, le TAC est un instrument de compromis établi entre l'organisme public et un tiers, une forme de transaction, supposant ou non l'existence de concessions mutuelles. Mais ce positionnement est cependant nuancé par d'autres auteurs qui estiment que, quand bien même le TAC impliquerait un organisme public et un tiers, eh bien il ne constitue pas une transaction, mais un acte administratif négocié. Autre courant, deuxième courant, qui envisage le TAC comme un instrument, cette fois-ci, d'imposition de l'administration. Mais là encore, des auteurs nuancent ce positionnement tout en acceptant cependant l'idée d'unilatéralité. Pour eux, le TAC renverrait à une manifestation de volonté unilatérale de la part de l'acteur transgresseur de mettre en adéquation son comportement avec les exigences légales. Dernier courant, qui considère cette fois-ci que le TAC recouvre les deux réalités précédentes. Il consisterait alors à trouver une solution ensemble pour, in fine, contraindre le tiers à cesser de faire ou à faire. Mais là encore, un petit courant dissident au sein de ce troisième courant, pour certains, tout en étant une manifestation bilatérale de volonté, le TAC serait un acte de négociation juridique différent de la transaction, non assimilable à un contrat, à une forme d'autorégulation quelconque, mais il renfermerait néanmoins des concessions réciproques. Donc, on le voit bien, si la nature juridique du TAC reste largement débattue, son usage, en revanche, comme moyen discursif alternatif de résolution des conflits dans le champ des droits collectifs, et comme moyen également extrajudiciaire de protéger ses droits, comme le droit à l'environnement sain, on est dedans, fait en revanche consensus. Alors que dire d'une observation un peu plus pratique de l'instrument ? L'un des cas d'études les plus intéressants en matière de TAC liés au changement climatique, parce que souvent le TAC est appliqué aux conflits en matière de biodiversité, donc là c'est un petit peu plus original en termes de changement climatique, c'est celui de la compagnie sidérurgique atlantique ThyssenKrupp, donc qui est située au Brésil, dont le complexe sidérurgique est situé au Brésil, et qui se compose d'un ensemble d'installations, donc des fourneaux, des lignes ferroviaires de transport des produits, un site portuaire, donc un très gros complexe. Plusieurs autorisations doivent être obtenues pour pouvoir mettre en fonctionnement le complexe. On a une licence préalable qui vaut autorisation d'exercer l'activité. La compagnie a obtenu cette licence. Et puis vient une autre licence à obtenir, la licence d'installation, qui vaut autorisation de construire les installations nécessaires à l'activité. Là encore, la compagnie a obtenu cette licence. Alors à ce stade, dans la mesure où l'activité impacterait l'environnement, plusieurs TAC, indépendants les uns des autres, ont été conclus. En 2007, on a un TAC visant l'investissement de 10 millions d'euros dans des unités de compensation. En 2008, un autre qui visa la mise en adéquation des conditions de sécurité et d'hygiène offertes aux travailleurs avec les normes de sécurité au travail. Et puis un troisième qui engagea la compagnie à reboiser 50 hectares de forêt sur 3 ans dans la périphérie du complexe en raison des dommages causés par les installations sur l'espace protégé dans lequel elles se situaient. Alors dans ces cas précis, ces 3 TAC, plusieurs choses, je vais souligner plusieurs choses. Première chose, que le TAC finalement est applicable à des hypothèses différentes, renvoyant à la réparation, à la compensation, à la mise en adéquation. Que l'instrument a permis aussi de dégager des solutions à un ensemble de problèmes en ne traitant qu'un aspect l'un après l'autre. Autre remarque, que de cette manière, l'avantage fut de pouvoir désigner l'objet de l'accord de manière précise et d'apporter les réponses possibles de manière tout aussi précise. Et puis, dernier point, l'auteur de l'infraction n'a pas été soumis à une obligation de moyens dans chacun de ses TAC, mais à une obligation de résultat en déterminant précisément au préalable dans chaque TAC les moyens d'y parvenir. Alors ici, les TAC ont joué le rôle d'outils pacificateurs de conflits qui favorisent le consensus autour d'une solution adéquate pour les parties prenantes, et ce, de manière à obtenir une solution négociée, plus facilement appropriable et effective. Pour ce qui est de la mise en œuvre de ces 3 TAC, il n'y a eu aucun souci. Le temps passe, et en 2010, le complexe sidérurgique est inauguré. Mais, toutefois, la compagnie ne bénéficie pas de la dernière licence requise, la licence d'opération, qui octroie véritablement l'autorisation définitive de fonctionnement. Et ce refus, eh bien, il résultait de rapports divers évoquant les effets de l'activité du complexe sur la santé des populations locales et sur le climat. Alors face à cette situation, en 2012, un nouveau TAC fut conclu et il prévoyait que durant une période de 3 ans, le complexe pourrait fonctionner moyennant un ajustement des équipements et des process industriels afin de corriger les impacts produit par l'activité sur la santé et sur le climat. Alors ce TAC, il exigeait qu'un plan d'action soit défini, et c'est l'article 4 du TAC qui exigeait que les parties prenantes concernées participent à la conception de ce plan d'action. Quelques remarques cependant, parce que c'est à ce moment-là que les choses se compliquent. Un plan d'action fut effectivement défini. Il contenait des actions dites sociales, c'est-à-dire souvent non contraignantes, hein, par exemple réaliser une étude sur l'évolution de la pollution ou sur l'impact sur la santé. Mais à la différence des TAC précédents, ce TAC ne visait pas la prise de mesures concrètes, mais simplement l'établissement d'un plan garantissant l'évaluation de la situation sanitaire et climatique due au fonctionnement du complexe. Autre remarque, le point faible de ce plan d'action, c'est que les communautés locales, qui pourtant étaient parties prenantes, n'ont pas été invitées à discuter du contenu de ce plan lors d'une audience publique, comme le prévoyait pourtant l'article 4 du TAC. Alors à sa décharge, la compagnie a estimé que les mesures finalement qui étaient prises au travers du plan d'action, elles constituaient des démarches de collecte d'informations et d'analyses qui permettaient par elles-mêmes le rétablissement de la jouissance des droits des populations, comme le droit à un environnement sain ou le droit à l'information, mais ne constituaient pas un cas supposant la tenue d'une audience publique. Et finalement, cette exclusion du processus ouvrit, vous en doutez, une période de conflit de 4 années entre la compagnie et les communautés locales. Alors, 3 remarques sur ce TAC précisément. Tout d'abord, c'est qu'on doit relever la force obligatoire du TAC en ce que le débiteur doit respecter les termes de son engagement sans pouvoir y déroger. Je fais allusion ici à l'article 4. Autre remarque, que l'un des défauts dénoncés à l'égard de ce TAC a été de conserver les mêmes discutants et signataires que pour les TAC précédents, donc les 3 précédents, alors que le cercle des acteurs concernés s'était élargi aux communautés locales. Donc au-delà finalement de la participation des communautés au plan d'action, comme le prévoyait l'article 4, eh bien ces communautés auraient dû elles-mêmes être aussi signataires de l'accord. Et troisième point, que la mise en œuvre du TAC, dans les engagements de la compagnie à diffuser l'information, à étudier l'évolution de la pollution et toutes les autres mesures, ont bien été finalement observées. Il n'y a que cette phase de discussion qui n'a pas été respectée. Alors la situation conflictuelle entre les communautés locales et la compagnie s'est cependant débloquée à partir de la mise en place de l'audience publique en avril 2016. Et à ce moment-là, des discussions constructives ou plus constructives ont pu prendre place. Alors, je passerai très rapidement sur le fond des débats. Je vous renvoie ici à la contribution écrite. Je dirais simplement qu'ils concernèrent la pollution atmosphérique produite par l'activité sidérurgique, en raison, entre autres, des émissions de particules métalliques et des agents de forçage dans l'atmosphère. Et autre point de discussion aussi, les problèmes respiratoires de la population locale dus à ces différentes émissions. Bref, cet épisode de pollution augmenta néanmoins les émissions de gaz à effet de serre dans la région de 76% depuis la mise en fonctionnement du complexe, d'où ce besoin de s'entretenir avec les populations locales. Alors, à la fois en écho à cette expérience et au-delà, bien sûr, un bilan a été dressé par la doctrine concernant l'efficacité et l'effectivité du TAC en général. Et il en est ressorti que l'instrument, selon eux, demeure l'un des plus effectifs et efficaces dans la prévention et la réparation des intérêts diffus et des droits collectifs, particulièrement en matière environnementale. Et que finalement, l'échec ou la réussite d'un TAC vient du fondement idéologique de l'instrument, reconnu par la doctrine, l'idée d'un consensus rationnel à travers la communication et le dialogue. Et là, je vous renvoie aux écrits d'Jürgen Habermas ou de Norberto Bobbio. En outre, les acteurs s'accordent à dire qu'il est un instrument accomplissant le droit d'accès à la justice. Alors, pas au sens propre du terme, bien sûr. Il permet d'atteindre un objectif de justice sociale. Il est un moyen, selon eux, de rétablir une justice environnementale et climatique selon les cas d'espèces traitées. Selon eux, cette idée de justice qui constitue le cœur du TAC provient directement de la finalité même de l'instrument. La promesse d'une mise en adéquation d'un comportement avec les normes légales pour éviter ou réparer un dommage créant une injustice. Alors ce TAC est-il finalement transposable en droit français? Pour des raisons de temps, je ne vais pas aborder sous toutes ses coutures l'hypothèse de la transposition du TAC en droit français. Pour ce qui est de l'adéquation de l'instrument avec le principe juridique pollueur-payeur, le triptyque prévention, précaution, développement durable, le mécanisme de paiement pour service environnemental ou encore celui de compensation, je vous renvoie une fois de plus à ma contribution. Ça va me permettre de terminer cette présentation sur un point tout aussi important, les avantages et potentiels du TAC, reconnus donc toujours par la doctrine, puisqu'on n'a pas d'exemple en droit français, qui rendent l'hypothèse d'une transposition en droit français des plus intéressantes précisément en termes de dialogue et de justice. Alors pour apporter certaines pistes de réponse, on doit bien comprendre les avantages du TAC, ou plutôt les points forts qui justifieraient un processus de transposition. Et j'aborderai ici 3 points importants. J'aborderai 2 points importants. On a fait une négociation rapide. Le premier, c'est que le TAC présente une flexibilité non négligeable à plusieurs niveaux. D'un côté, il est considéré comme un instrument flexibilisateur de loi. Alors, on l'a vu dans le cas d'étude tout à l'heure, le TAC admet le non-respect, finalement, des normes juridiques jusqu'au terme de la durée prévue dans l'accord. La doctrine propose alors que le TAC, en plus d'être un instrument juridique qui vise à réguler une conduite transgressive, de laquelle il découle une violation d'un droit fondamental de la collectivité, soit utilisé comme un instrument de flexibilisation de la politique environnementale, qui permet ainsi un assouplissement de la législation en faveur d'une continuité des projets qui bénéficient d'une licence environnementale, mais bien sûr pendant seulement un certain temps. Car à échéance, il faut que le comportement soit respectueux des normes en vigueur. Flexibilité. Alors la flexibilité du TAC dénature-t-elle le principe finalement de sécurité juridique ? La réponse ne semble pas pouvoir être véritablement négative, puisque finalement, la flexibilité permet d'atteindre la régularisation d'une situation. Aussi, les auteurs soutiennent-ils en principe que la flexibilité du TAC contribue à garantir une forme de sécurité juridique, particulièrement en matière de droits fondamentaux et d'intérêts collectifs, puisque la finalité de l'instrument vise directement la cessation ou l'évitement d'un dommage qui leur porte atteinte. Deuxième point important, et donc un point fort du TAC qui constitue aussi parfois une faiblesse lorsqu'il n'est pas respecté, et on l'a vu tout à l'heure, c'est la part de dialogue envisagée au stade de sa définition et de sa mise en œuvre. Parce qu'il faut en fait rappeler que le TAC se fonde notamment, et principalement quand même, sur les principes de transparence, de participation, sur le droit à l'information. Et donc dans cette mesure, il illustre et renforce le principe de participation de l'article L110-1 du Code de l'environnement. Selon les auteurs, l'effectivité du TAC dépend essentiellement des parties prenantes à son élaboration, et plus exactement de la participation sociale des populations défavorisées et des minorités ethniques dans la réparation de leurs dommages. Donc un TAC négocié dont les correctifs de conduite sont clairement évalués et définis, quand bien même des divergences d'intérêts persisteraient, a plus de chances d'être exécuté parce qu'il rencontre publiquement d'une certaine image du débiteur. Alors on tombe ici bien sûr un petit peu dans un autre domaine, vous l'aurez compris, c'est celui de la responsabilité sociale de l'entreprise, quand on parle de l'adoption d'une green attitude de la part de l'entreprise qui va jouer un grand rôle dans sa perception par les tiers. Et dans ce cas-là donc, l'entreprise aura tout intérêt, ou le transgresseur ici, à respecter le TAC pour lui permettre de se faire valoir auprès de ses parties prenantes, des communautés locales, de l'autorité publique, etc. Alors pour conclure, je tenterai d'apporter un commencement de réponse à votre question tout à l'heure, de savoir comment l'outil finalement peut parvenir ou peut s'articuler avec le triptyque de validité lié à la légitimité, à l'effectivité, à la forme. Bien, je dirais que le TAC, finalement conçu au cas par cas, grâce à sa flexibilité et à son adaptabilité, eh bien, il vise à produire une réponse aux besoins sociaux environnementaux, à permettre une appropriation par ses destinataires, et puis à rétablir un respect de la norme juridique. Je vous remercie. Merci, y compris d'avoir accepté une petite négociation sur le temps de parole. Alors, il faudrait en réalité peut-être que vous réfléchissiez l'un et l'autre sur l'articulation possible entre le TAC et le test climatique. Il y a peut-être des complémentarités à imaginer, mais ça c'est pour un autre colloque. Et je note quand même aussi qu'Adélie Pommade est bien une élève, une disciple de Catherine Thibierge, parce qu'après la densification des normes, voilà qu'elle nous parle maintenant de l'assouplissement, de la flexibilisation. On est en pleine étude de processus et non plus de concept. Donc j'applaudis à deux mains.